qui est la spiritualité, de la parapsychologie, pas tout. Je sais pas, moi, ces niaiseries-là, ben, c'est facile. Mais quand tu rencontres des gens qui sont en finance, des gens qui sont en politique, des gens qui sont dans la grosse matière, puis tu as un travail en science à faire avec ces gens-là, tu peux pas rentrer avec ta croix. Faut que tu rentres avec tes exploits. Tes exploits. Ah, avec tes exploits. Tu rentres avec tes. Qu'est-ce que j'ai chez Brandman quand France des scientifiques viennent de tous les pays pour rencontrer là parce que c'est une sorte de salon. J'ai ma gueule. C'est parce qu'il y a des physicistes, il y a des médecins, il y a toutes sortes de monde là, puis ils savent que c'est ce petit truc-là qui est dans le coin, il garde de parler à tout le monde. C'est ça le prix. Si j'avais pas ça, je pourrais pas rentrer dans la rue. Je pourrais même pas rentrer dans les rien. Ah, si j'avais un gros compte de banque, je mettrais un gros nègre, je pourrais rentrer parce que c'est le compte de banque. L'équilibre. Soit que t'as l'équilibre au niveau du compte de banque, vous voulez déjà. Dans mon cas, c'est l'intelligent. Les autres ne savent pas. Continuons ça. Parce que pour moi là, le sacré, c'est le sacré, là. Mettre avec vous des réflexions, baiser les bains, être impressionné. Être impressionné par ce qui est sacré. Là. Il y a tout le protocole qui rend sacré. Pourquoi, par exemple, au niveau d'un appareil de justice, au niveau d'un appareil de déguise quelconque, il y a un sacré. C'est des lois d'impression. Quand tu vas en cours, le tribunal, tu sais comment est-ce que c'est pesant le tribunal? Tu as remarqué que la loi, ça change pas. Hein? C'est bien traditionnel, bien conservateur. Pourquoi? Parce que les lois d'impression, c'est ce qui est le plus dur à changer dans une société. Puis c'est ça qui renferme toutes les émotions d'une société. Puis un pays, d'ailleurs, c'est ce qui arrive, des révolutions, des révolutionnaires, ils mettent tout ça à terre. Puis ils commencent avec d'autres lois d'impression. En général, il n'y en a pas au début. C'est le bordel. Mais après 100 ans, 200 ans, tu vois qu'il y a encore. C'est ça qu'on crée. On appelle la civilisation. Mais c'est très important parce que c'est avec ça que la nation marche aussi. Aussi bien que toute la hiérarchie ecclésiastique. Puis briser le sacré, quand je t'entends dire le sacré, il faut que je puisse tout briser la forme du sacré. C'est une loi d'impression, ça aussi. Oui. Comme la justice, on peut faire. Comme la déduction au niveau des relations de personnel, au niveau physique. Oui. C'est toutes des lois d'impression, ça fait toutes des hiérarchies. Toutes ces lois-là, vous pouvez briser. Oui, parce que c'est des pas. C'est ça qu'on veut, c'est de l'économie. C'est ça. Sans ça, t'es prisonnier de ces lois d'impression-là. Ça veut dire que je suis quelqu'un, je suis important, que je sois, par exemple, au niveau de l'Église, je suis prisonnier de ces lois-là, mettons que je prépare au niveau de l'Église, que je sois au niveau de la cour, je suis plus prisonnier de ces lois-là, c'est-à-dire que je les respecte, ces lois-là, parce qu'elles sont là, mais moi, je n'entre pas dans cette forme-là parce que je suis consciente que je suis autonome. Ouais, la forme ne t'impressionne pas. Mais tu respectes parce qu'à chaque partie de la... Parce que les formes, les lois d'impression sont de belles formes. Oui. C'est ça qui donne la civilisation, c'est ça qui donne la couleur à la civilisation. Mais il faut que tu sois plus élevé. Mais maintenant, je ne me mettrai pas en quatre pattes. Non. Devant un gars qui a le mot, qui a le titre sur lui, qui s'appelle le PDG de quelque chose, quand il a un compte. Tu comprends-tu? Parce que les gens veulent absolument contribuer à la loi d'impression parce qu'ils sont chapeautés par les postes de commande, par la sécurité. Les postes de ceux qui sont liés à la loi d'impression. C'est la sécurité. C'est la sécurité. Alors que ces lois d'impression-là, il faut les intégrer comme quand je suis autonome, quand je ne suis pas prisonnier de ces formes-là, je peux être sécure, puis être très honorable et très honoré et très respectueux et très respectable, comme avec le juge, comme avec il faut qu'on soit comme des élévateurs. Tu descends en premier, vous rentrez au septième, tu es toujours à l'aise. Un homme qui fait d'arrêt avec les titous, comme tu dis, qui fait d'arrêt avec les rois, il est au bout. Il est au bout. C'est ça. Puis ça, c'est pas facile. Parce qu'avec les titous, ça va. Mais quand tu rentres, quand tu commences à rencontrer la grosse finance, là, le gros pouvoir politique, là, je te dis que tu vas. Tu prends les documents de haut, les verticales. Tu as peur de faire des erreurs. T'as peur de pas dire le bon mot. T'as peur de pas le faire plaisir. T'as peur. C'est pour ça que ce qui arrive, c'est qu'automatiquement, les petits culs sont bloqués d'eux autres. Automatiquement. Mais pour ça, t'es inconscient de leur forme, eux autres. Tu es inconscient. C'est comme une. Tu es inconscient. Quand tu fonctionnes au niveau d'intelligence, de la volonté. Hein? Mais aussitôt que t'as pas ça, tu vas te barrer automatiquement de ces cercles-là. Non, vous êtes déjà allés, vous savez comment c'est quand on se marie? Là, le portage chez la fille le soir, là. Toi, tu viens d'une famille pauvre, puis elle vit d'une famille de Westland, tu vas m'habiller. Le seul lien qui entoure la famille, c'est l'amour que tu as pour la fille. Puis t'as peur si le père a trop de puissance ou la mère a trop d'influence à la fille, que ça fait l'affaire. Tu t'en vas à la maison le soir, puis tu ouvres les portes, Charlie, là. Là, il t'examine, là, tu te prends dans tes pilotes pendant 2-3 heures, quand tu ressors, t'es content, maudit. C'est pourquoi? Parce que les gens ne sont pas sans compte. La loi de l'impression, c'est l'envers de l'illusion. La loi de l'impression, c'est la domination de l'intelligence cosmique sur l'ego de l'homme. Inconscient. La loi de l'impression, c'est l'application sur tous les plans de l'univers de la force. La loi d'impression, c'est la compréhension parfaite des lois de la force. La loi d'impression, c'est la manipulation parfaite de la force. La loi d'impression, c'est la liberté totale de l'esprit de l'homme. La loi de l'impression, c'est la pénétration de la lumière dans toutes les forces. La loi de l'impression, c'est l'ajustement constant et permanent et parfait d'une forme en relation avec une autre au fur et à mesure que l'esprit de l'homme avance dans la découverte de ces formes-là. C'est une loi cosmique, ça fait partie de l'intelligence. C'est à la base même de la psychologie. C'est à la base même des rapports entre les hommes. C'est à la base même de la structure des civilisations, de la formation des civilisations. Les lois d'impression en France ne sont pas les mêmes lois d'impression qu'en Angleterre, en Chine, en Russie. Puis il y a seulement un dénominateur commun pour toutes les lois d'impression sur une planète où il y a plusieurs civilisations, c'est l'intelligence cosmique. Parce que t'es en Chine, que t'es aux États-Unis, que t'es en Russie, tu fonctionnes vibratoirement, tu sais toujours quoi faire précisément au bon moment. Tu peux rentrer dans n'importe quelle société. Tu deviens universel. Sans ça, t'es bloqué. C'est pour ça qu'il n'y a pas de communication entre les civilisations. Parce que les lois d'impression sont totalement fermées. L'Américain va en Europe, l'Européen vient aux États-Unis. Les lois d'impression des deux pays se superimposent. Pourquoi? Parce que l'Américain n'est pas capable de fonctionner en Europe créativement, puis l'Européen n'est pas capable de fonctionner créativement en Amérique. C'est pas possible. Bon. Au lieu de rentrer en Amérique ouvertement dans son esprit, il vient en Amérique avec les mémoires de l'Europe. Là, il commence à critiquer. Ah, ni nien, ni nien. L'Américain dit mange à l'arbre, attends, j'ai dit, ça là, l'Américain s'en va en Europe, puis en France, Chris, tu vas avoir un téléphone, tu veux attendre 2 heures pour avoir un téléphone, nous autres, chez nous, on a ça un après-midi de temps. Le Français va dire, va-t'en chez lui avec le téléphone. C'est vrai? Parce qu'il reste pas. C'est l'expertise de l'esprit. Je te dis, la loi de l'impression, c'est une des plus grandes et une des plus belles lois de l'intelligence cosmique. Ça n'a rien à faire avec l'astral. C'est le chat dans le mental. Ça te plaît? Moi, j'ai dit à eux autres, des fois, pour ce gosse que j'ai du linge chez nous, moi, je suis pas un capitaine de même. Je dis, comment tu fais que je suis pas capable d'arriver, comment elle aime ça, quand je mets avec mon petit soupe brun pâle. Toi, j'ai pas de l'impression. Une fois, je suis avec mon petit soupe brun pâle, c'était bien tout quand tu fais ton petit soupe brun pâle. Et je viens toujours à pied de même. Parce que ça a changé. Si j'avais mis 10-15 habits différents, ça n'aurait pas fait. Mais je n'ai rien qu'un. Quand on parle de temps, chaque fois qu'on me voit, tu n'as pas tout ton petit saut de brun. Non. Tu sais que la loi de l'impression de l'intelligence pure existe parce que parce qu'on est inconscient. Quand on sera dans la conscience, ça va exister encore. La loi d'impression est toujours là. C'est en tête, c'est un outil d'esprit, la loi d'impression. Ça fait partie de l'intelligence. Quand tu disais tantôt qu'elle existe. Ça fait partie des subtilités de l'esprit. Ça fait partie du rayonnement de l'esprit. Ça fait partie de la perfection de l'esprit. Ça fait partie de l'utilisation parfaite de la forme par l'esprit. Du moment que tu n'es pas dominé par elle. Quand tu disais qu'elle existe à cause de l'inconscience. Oui. Quand tu n'auras plus d'inconscience, ce toit-là, ça va te faire. C'est un autre plan. Si tu sors sur un autre plan, si tu vas dans les terres, tu as d'autres lois d'impression, mais c'est plus la même loi d'impression que tu as ici. Mais ça, affaire, tant que tu as de l'inconscience, les gens sont prisonniers de la loi d'impression. Tandis que dans les terres, la loi d'impression n'est pas pareille. Parce que dans les terres, la loi d'impression, c'est simplement une loi esthétique. Tandis que ça, affaire, c'est pas simplement une loi esthétique, c'est une loi d'émotion. La loi d'impression, c'est une loi d'émotion. La preuve. Moi, je devrais être capable de rencontrer Barbara Bronfman, que j'ai une seule que j'ai faite. Tu devrais être capable de rencontrer n'importe qui dans la société, puis rien que le mettre à la table ce que j'ai dans mon assiette. Mais non, je suis vite passé. Il me faut filer. Ou passer par des moyens, ça doit être vrai, ça. Pourquoi? Les gens ne sont pas conscients, c'est pas conscient. Mais viens-t'en, Bernard. Why don't you come to my house? Why don't you come and talk to me? Pour les gens, c'est important, mais pour toi, c'est le plus. Évidemment. Puis quand t'es conscient, c'est tout pour les autres, c'est ça. Tout le temps. Ça fait partie de la créativité à fort. Voilà. La loi d'impression, elle impressionne ceux qui connaissent pas l'autre. Ouais. C'est la cassaille. C'est la cassaille pour faire. Exactement. Moi, j'ai dit à ma femme. Durant l'initiation, parce que je connaissais la vie, le fait que je devais rencontrer mes autres, j'ai dit jamais, ça, parce qu'avec ma femme, pendant 7 ans de temps, j'ai enseigné. J'ai dit jamais, comment est-ce que tu es Shawinigan? J'ai dit jamais, quand tu rencontres du monde, ou tu rencontreras plus tard des gens dans le monde, que ces gens dans le monde doivent savoir que tu viens de Shawinigan. Quoi la sens de Shawinigan? Je veux dire que ta nobilité doit être tellement stable. Que ces gens-là pourront jamais mettre en doute la vibration de la loi d'impression de la personne. Parce que t'as à n'importe quelle place, comment ça sera bien beau? Regarde avec tes yeux, ferme ta gueule! On s'en parlera après avec un petit café au restaurant. J'étais à New York avec elle une fois. Moi, ma femme, en général, quand je l'habille, on va ensemble. J'avais acheté un beau costume. J'ai dit, mais voilà la gnocque, là, il y a quelqu'un qui va faire une remarque sur ton costume. Fait qu'on s'en va à gnocque, on s'en va chez Saks, on Fifth Avenue, puis on était sur le deuxième plancher. D'un coup, il y a une femme qui arrive. C'est quand c'est un gars. Oh, darling, nanana. T'as bien un beau costume. T'as bien une belle teinte dans ton costume. Puis ma femme, elle dit, thank you very much, t'as la costume. Oh, oh, yo, tu sais comment c'est ça, les femmes, ils viennent toutes comme des oiseaux. Elle continue à leur remercier, elle continue ça. Puis c'est à ça, le compliment qu'elle devait recevoir de l'ignore. Puis si, avec une petite minute, dans ce temps-là, je vivrais parce qu'il fallait ajuster ses corps. Dans ce temps-là, là, si elle faisait la moindre erreur, parce que moi j'appelle ça des erreurs psychologiques, la moindre erreur psychologique, j'avais un mood de choc qui me passait dans le corps, là. C'est là que je donnais des chocs. Jouais à tout! Je suivais constamment. Quand elle parlait, je checkais pas pour ce qu'elle disait, mais comment elle disait. C'est la vibration. Comment elle disait. Aujourd'hui, elle est dans sa vibration. Parfait. Toujours dans le mode d'impression. Puis elle est sain comme bonjour. Elle est bien sain. Mais elle est toujours dans le mode d'impression. C'est ça la force. C'est ce qu'on appelle avoir le fitness. Ça fait. Exactement. Ça fait. Moi, j'aimerais ça vous en parler de l'impression, mais je m'éterniserai sur ça. C'est la psychologie même de la loi d'impression, Hélène. C'est la psychologie même. Hein? Oui, laisse-toi aller, madame. C'est la psychologie même de la loi d'impression. C'est la fondation de la psychologie de la loi d'impression. Exemple. Je vais donner un exemple. Un schizophrénique. Un schizophrénique, c'est un homme qui a été abattu, qui a été abasourdi, qui a été surimpressionné. Parlez fort. Il n'est plus capable d'en prendre. Il craque. Il y a une disconnection entre le corps astral et le corps mental.

Sérieusement, il y a eu des abus. C'est là que ça tombe à l'eau. Les Allemands, durant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis, tu penses qu'ils l'avaient pas, ouais, l'impression? Regarde leurs habillements, leurs bottes, leurs seaux. J'ai jamais vu une armée aussi bien habillée. Par contre, les Russes qui ont pas de classe, pourtant qu'ils ont énormément de culture, mais ils ont pas de classe parce qu'ils sont produits d'une révolution, les soldats, ils ont l'air des vrais oies. Non, moi je travaille avec des personnes handicapées physiquement. Entendu. Puis, je suis conscient, je m'aperçois en tout cas que la pire barrière à leur intégration sociale, c'est l'impression justement qu'ils produisent sur les gens, sur l'entourage. Ok, va te parler de quelque chose. Je m'en vais chez Ben ce matin. Hop, tu vas te faire voir. Ben, ça pas un matin, ça va venir. Il rentre un tas d'handicapés. Un autobus. 20 ans. Ça puait. Il pissait un pilote. Il y en a qui faisaient caca avec là. Ça puait là-dedans, mon gère. Les gens chez Ben, ils ont sorti du magasin. De la place. C'est à part cause à ces pauvres gars-là. C'est à part à celui qui l'a amené là. Parce que celui qui les a emmenés là était conscient que c'est pas la première fois qu'il va dans un endroit public avec ces gens-là, qui ont de la difficulté à se promener. C'est lui qui a été son erreur. Mais qu'est-ce qui arrive? Écoute bien ça. Les gens, parce que les gens sont inconscients, les gens vont critiquer les handicapés physiques. Ils vont pas critiquer le gars niaiseux qui les a emmenés là, qu'est-ce qu'il a fait. Ça va avoir une bonne impression. Mais on sait qu'on a toujours un espèce de très moyen quand on rencontre quelqu'un, comme je dirais un frère, là, qui est comme déchu, qui apparaît dans son corps physique, tu comprends? Il y a une espèce de honte à ça aussi, qui est intègre, qui fait partie de nous autres, qu'on a tué même si on n'est pas né sur les gens qui ont été. C'est pas. Il y a ça, là, ce que tu dis, là, qui fait que ça retarde les handicapés, mais il y a aussi. Il faut vraiment connaître la loi d'impression pour ne pas avoir honte d'être accompagné de quelqu'un qui lui-même est infirme. Tu comprends-tu? Parce que c'est pas impressionnant que quelqu'un est infirme au plan humain de l'ego. Il faut être conscient que l'être à côté de toi qui est infirme est un être qui peut être noble. Mais ça, tu ne sais pas à partir des titres ou à partir des compétences sportives. Mm-hmm. Comprends-tu? Marcher à côté d'un champion sportif, ça te fait honte. Marcher à côté de quelqu'un qui boite puis qui bégaye, mm-hmm. ça me plus honte. T'es mal à l'aise là-dedans. Mm-hmm. Ce qui fait que t'es mal à l'aise là-dedans, c'est aussi la loi de l'impression et la loi de l'impressionner. C'est les deux qui. Exactement. Parce que quand t'es à ta place, t'es jamais bien avec quelqu'un qui n'est pas à ta place. Exactement. Quand tu connais la noblesse de l'homme, t'es pas à ta place, tu sois bien. C'est ça. Exactement. Exactement. Je m'en tenais de fermer ta boîte pour aller les entendre. Parce que tu n'as pas compris dessus. Mais c'est très juste. Très juste. C'est tellement vrai, ça, ce que tu dis. Comment te dire, cochon? Moi, je vis avec à peu près 12 personnes près de ma vie, proches. Ils sont toutes beaux. Je ne parle pas de beaux intérieurement, je parle physiquement. Ils sont toutes beaux. Pas des beaux têtes, qu'on sait, mais beaux dans le sens que c'est, sont plaisants à voir. Les femmes sont belles. Gisèle, c'est un exemple. C'est plaisant. Les hommes sont beaux. Ça fait toute partie de la même. Puis si Gisèle avait pas de croche, quand même qu'elle a tout le talent au monde pour faire le job, elle ne sera pas dans ma vie. Parce que au niveau de la loi d'impression, au niveau de la loi d'harmonie, j'aurais pas été capable de la scander. Ça m'a fatigué. Parce que ça a été du karma. Bon, ben, c'est grâce que vous dites. Bon, ben, ça, là, les femmes qui ne trouvent pas belles, il y en a, en mon Dieu, là-dedans, qui sont sensibles et qui sentent la loi d'impression et qui ne se trouvent pas belles elles-mêmes parce qu'elles souffrent de leur incongruence physique parce qu'en dedans, ils ont une sensibilité qui sont capables de connaître ce qui est beau. Mm-hmm. Puis C'est sûr, il y a des femmes qui vont se discréditer ou qui vont souffrir de leur, comment dire, de leur inharmonie. C'est pas juste parce qu'une femme va être l'homme ou est-ce qu'une femme va être veut plaire ou séduire. Tu comprends-tu? Oui. Ça, ça continue ça, là. Ouais. Ah, ben, ouais. Tu n'as pas le droit de ne pas être beau à l'harmonie. Bah. Tu ne peux pas changer ton livre. Mais l'harmonie, c'est pas dans la beauté de la forme, c'est dans le mouvement de la forme. Si les femmes, moi je dis les femmes, parce que les hommes ont fait la même chose, tu vois qu'on a, on a overdosé les femmes avec ça. Parce qu'on a, on exige d'elles qu'elles soient belles, ça donne aux gens. Ça fait une église développeur avec sa gang d'hommes qui sont pas beaux. Mais des hommes qui sont pas beaux avec des mots de belles femmes. Si on comprend ça, ça fait que la femme va avoir la difficulté parce qu'elle n'est pas belle au niveau shape, là, 24-36. Parce qu'à partir du moment où elle s'est plus paralysée par son inharmonie, elle devient plus paralysée, elle devient en mouvement, elle devient belle. C'est très bien. Ça, des fois, on dit, des fois, on va voir des personnes âgées d'un certain âge, là, tu sais, 55, 60. Puis, qu'est-ce que c'est, il y a une petite madame qui est paralysée dans le groupe, là. Elle a les petits cheveux gris, là. La femme de M. Robert. La femme de M. Robert, Mme Robert? Oui. C'est une beauté, ça, Mme Robert. Beauté. Putain, elle croche. Mais elle est noble. Fait que les gens n'ont pas besoin d'être des beautés. Les gens ont besoin d'avoir de la nobilité. Quand ils sont nobles, automatiquement, il y a une harmonie dans la force. Puis ils vivent de l'harmonie de la force. Moi, j'avais une de mes tantes de Boston. Elle était grosse, elle faisait, je pense, 250 livres. Elle avait eu des problèmes à la naissance de son deuxième enfant. Mais elle avait tellement de cette souplesse-là. D'ailleurs, elle portait des talons hauts tout le temps. Elle se forçait à porter des talons hauts. Fait que tout son corps qui était pesant, il était soutenu par ces petits talons-là. Fait que ça y allait comme un. Elle savait comment s'habiller. Elle savait comment. Putain, elle était grosse, elle était tout déformée. Fait que. Il ne s'agit pas d'être esthétiquement parfait, il s'agit d'être en harmonie avec la forme. En harmonie avec la forme, il faut du mouvement. Il n'y a pas d'harmonie dans la vie. Non, très juste. Il faut du mouvement. Puis le mouvement, il vient d'où? Il vient dans. Les personnes sont toutes gênées, là. Le mouvement vient d'où? Il vient de l'intérieur. Il est plus lié à tes émotions. Si les gens se démotionnaliseraient, ils se donneraient automatiquement du mouvement. Mais les gens sont tellement pognés qu'ils sont paralysés. Enfin, sans parler de la paralysie physique, parce qu'une personne peut être physiquement paralysée par avoir énormément de mouvement. Tu vois des films, des fois, le gars, il a la canne, là. Mais il y a la... Moi, j'avais ça avoir de la classe naturelle. Il est là. Il y a un œil d'arraché, il y a une petite tache noire. Diane, mon chez Diane. Ça y donne. Sa patch noire! Ça y donne quelque chose, sa patch noire! Les Allemands se crevaient les yeux pour se mettre des patches noires. Mais, tu vois, avec vous autres, je suis suffisamment libre pour parler, pour envoyer un thème qui veut dire ce que je veux dire. Quand je dis avoir une classe naturelle. Avec le monde, je peux pas parler de ça parce qu'ils vont dire qu'il s'est rendu du snobisme. C'est pas de la classe sociale que je parle. Je parle de la vibration intérieure, de l'harmonie intérieure, du mental et de l'émotionnel. Que même si au lieu d'avoir deux jambes, t'as deux roues, tu fonctionnes pas. C'est vrai. Je suis content que tu comprennes ça. Ben, c'est comme l'homme de celui qui était le politique qui était en ville. C'est quand même. Exemple. T'es sympathique. Ah, évident. Mais, faut qu'il y ait quelque chose en dedans. Ouais. Par contre, des femmes qui sont belles, là, ça, ou plastiques, là. Et en dedans, ils n'ont rien. Parce que, moi, j'appelle ça des femelles. J'ai des femelles, des mannequins, il n'y a plus rien, final. Puis, t'as des femmes qui sont moins belles. Ça sort. Chat. Là, du chat. Chat. Les hommes sont plus chers que ce serait pas avec le droit d'impression. Ils sont sur eux, ils sont 1000 avec toute la gang des différents. Ils sont plus chers, ils sont plus chers. Continue là. Si tu veux, c'est que si ça nous déplaît, si les autres mondes nous tombent sur les nerfs, puis t'es mal à l'aise avec les autres gens, ça devient une corvée. T'es mal à l'aise uniquement avec les gens aussi. aussi, c'est pas. Ouais, puis des fois, t'es pas. Tu sais, de fuiter avec l'impression, ouais. Ça te trouve 5 000 avec juste eux autres, tu peux bien savoir d'autres plans. Ouais. Parce que t'es. Dans la vie, vous n'allez pas toujours être en vous autres. Dans la vie, vous êtes obligé des fois de rencontrer un notaire, de rencontrer un boulanger. De rencontrer un belle-mère. C'est ça, non? C'est comme si je faisais des avec ça. C'est ça. Fait que là, c'est là que t'es obligé, entre vous autres, vous avez compris, vous savez, la loi de l'impression. Et quand t'es rentré avec la belle-mère, t'es mieux de t'organiser. Parce que les gens jugent sur l'impression. Pourquoi c'est la loi de l'impression? Parce que les gens jugent sur l'impression. Si les gens ne me jugent pas sur l'impression, moi, je pourrais aller. Je pourrais rencontrer des gens en jean, à mon aide. Alors, la loi d'impression joue sur l'efficacité de la loi d'impression et la capacité d'administration de l'émotion, ou de l'émotivité. La capacité de la loi d'impression est sur la fixité du mental supérieur dans le mental inférieur. Parce que si tu commences à jouer la loi d'impression, tu ne peux pas jouer la loi d'impression. Tu peux faire des impressions quand tu es inconscient, mais quelqu'un qui est conscient va voir clair dessus. Oui, mais il y a un danger. Mais quand tu es conscient, tu joues pas de la loi d'impression, tu es loi d'impression. Tu es ça constamment. C'est une manifestation d'intelligence. Tu es automatiquement, tu peux pas faire autrement que. Tu peux pas faire. Non, mais. Là, ce que je sens ce soir, là, c'est que je me sens plus à l'aise pour en parler de la loi d'impression. C'est que c'est au niveau de l'émotivité ou de l'émotion. Et soit qu'il y en ait moins au niveau du groupe, que ça la fasse pas. Ah oui, okay. C'est ça que je peux en parler. Ah, c'est ce qui est le poids, en fait, qui peut menacer la loi d'impression lorsqu'on commence. Ouais. À être à l'aise. Oui, ce qui m'empêche de parler au groupe, c'est les émotions du groupe. C'est pas moi. Moi, je peux parler à gauche, à droite. Mais aussitôt que je sens de l'émotion dans le groupe, j'arrête. Je m'en parlais d'autre chose. J'en parlais pas. Mental, c'est un groupe qui est un petit peu plus mûr. Mais un petit peu plus mental. Il y en a avec qui je peux parler de n'importe quoi. Il y en a avec d'autres. C'est comme je parle à bien du monde en même temps. Mais je suis obligé de toujours chercher des minataires communs. Hein? On parlait d'un tir de manteau, c'est pas le tir. La classe naturelle. La classe naturelle. Ah, c'est pas le tir. Bon, la classe. Du style, la classe. Mais c'est pas le style qu'on parle de la classe qu'on parle. Hein? Intéressé, c'est un autre mot. Intéressé. Ça fait faire la première impression que vous avez. Je vais vous donner un exemple, mais ça, c'est bien comme je reviens. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petit gars, j'avais des tensions parce que aussitôt que je rencontrais des Français, je commençais à parler en français. Je rencontrais des Marseillais, je parlais en Marseillais. Je rencontrais des Parisiens, je parlais parisien. Fait que là, je me disais, mais tu m'as dit qui c'est que j'ai. Fait que je pensais que j'avais des complexes de supériorité. Fait que quand j'ai été contacté, je me suis aperçu que j'avais le pouvoir de la parole. Là, ils m'ont expliqué que c'est vibratoire chez nous. Fait que je m'ajuste. Fait que quand je vais en France, mon langage change. Ils peuvent jamais croire que je viens d'ici. Mais là, ça me fait plus rien. Parce que je la comprends, la loi d'impression. Mais quand j'étais jeune, j'ai dit là. Puis comme je ne comprenais pas, j'en souffrais. Puis j'ai des amis très près de moi qui ne comprenaient pas ça. Une fille que je connais qui étudiait en linguistique. Puis chaque fois que. Quand j'étais avec elle, on parlait canadien. Aussitôt qu'il y avait un français, elle était là. Là, je changeais en français. Elle ne comprenait plus rien de ce qui se passait. Ça a pris des années avant de pouvoir l'accepter, ça. Aujourd'hui, elle commence à l'accepter. Moi, quand je vais en France avec ma femme, je parle plus canadien-français, je parle français. Pas automatiquement. Mais ma femme est habituée à continuer à parler canadien avec moi. Et moi, je tombe en français. Puis pendant que je suis en France, si je suis là pour un mois de temps, je parle toujours français. Je suis pas capable de parler canadien. La vibration a changé. Mais c'est parce que je le sais. Dans ce temps-là, je vais la super en maudit. Je pensais que je me prenais pour un slot. Il y a bien du monde qui sont même. Il y a bien du monde quand tu rencontres des Français, whoop. Ils rencontrent des Allemands, whoop. Le langage change. Ils rencontrent des Espagnols mexicains ou des Espagnols d'Espagne, whoop. L'Espagnol change. Quand tu rencontres des Chinois, tu ne parles pas le chinois. À ce moment-là, ça appartient nécessairement au niveau de la valeur. C'est bien subtil, ça. Puis moi, le pouvoir de l'âme, je le dis, parce qu'automatiquement, là, aujourd'hui, je peux le comprendre, je peux le saisir, je peux le vivre en paix. Mais dans ce temps-là, ça me crée du tension. Il y a une bonne impression. C'est la fondation même de la psychologie, là. Je pense que le Tibétain dans Béli, il y a, je pense qu'il y a deux droits à faire, là-dedans. Rien que tu as la bonne impression. As-tu connu ça? La loi d'impression, c'est jamais pour toi et tout pour les autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour les autres. Si les gens vivaient dans la loi d'impression, là. Il dit que si les gens vivaient dans la loi d'impression, ils altéreraient toute leur personnalité. Parce que la loi d'impression altère la personnalité, change l'ego. Ajuste la vibration entre l'ego et l'âme, automatiquement. Les goûts changent, tout change. Altérer dans le sens de altérer dans le sens de développer. C'est quand c'est avec quelqu'un qui n'a plus dans l'impression de cette forme. Quelqu'un qui n'a pas de besoin. À ce moment-là, tu en as besoin. Non. OK, bon, c'est ce que je te disais tantôt. Ce que je voulais dire tantôt quand je t'ai dit, bon, mais moi, si tu arrivais en jean, ça me dérangerait. Ouais. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'observer la loi d'impression. Tu n'as pas besoin de l'outil. C'est ça. Mais vous autres, l'erreur que vous faites quand vous parlez toujours d'un point de vue, vous ne parlez jamais des deux en même temps. Ben, je vous donne raison, ça fait raison. Puis là, je suis obligé de vous monter l'autre bord. Vous parlez toujours d'un point de vue. Puis c'est dur à l'arrivée de parler des deux points de vue. Parce que pour parler de deux points de vue en même temps, il faut que tu parles parfaitement. Si tu parles parfaitement, là, tu auras tous les deux points de vue en même temps. Tu vois les deux possibilités en même temps. La seule que j'avais vue tantôt, c'est que moi, ça ne me dérangeait pas que tu arrives avec Dieu. L'autre point de vue que j'avais pas vu, c'est que quelqu'un d'autre ça m'arrêtait. En fait, Bernard, c'est avoir une capacité d'adaptation, donc tu ne souffres plus. Exactement. C'est une capacité d'adaptation totale. S'il pleut, s'il fait beau, il fait beau. C'est ça. S'il y a du poisson, tu manges du poisson. C'est ça. Moi, j'étais à l'agneau, je m'étais acheté deux parapluies, ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Un parapluie quand je vais dans les beaux hôtels, puis un parapluie bien dans le plein quand je suis arrivé. Quand je vais au Ritz, j'ai un parapluie, il fit. Il fit. C'est encore la loi d'impression. Moi, je dis quand je m'en vais. Mais j'aurais jamais fait ça avant d'être conscient. J'aurais pensé que j'avais une manie. Deux parapluies. Parce qu'un parapluie, c'est un objet de personnalité. Une canne, c'est un objet de personnalité. S'il faudrait que je porte une canne, il faudrait que ce soit une canne particulière pour aller avec ma personnalité. Puis on voyait ça, il y a 50, 60 ans. Il y a un magasin à New York qui vend des parapluies. Il y a des parapluies tout partout dans le monde. Mais des parapluies. Il ne faut pas subir des impressions pour embarquer dedans. Il faut les créer. Selon ce qu'on a à faire. Et plus ni moins, il faut t'y vivre le temps que tu as besoin. T'y vivre durant le temps que tu as besoin. Quand tu n'as plus besoin, c'est comme du linge, tu l'enlèves. C'est pas bon. Quoi? Non, les impressions, c'est la deuxième chose que l'homme peut créer. La première chose que l'homme peut créer, c'est le langage. La deuxième chose qu'il crée ensuite, c'est l'impression. Mais il faut que l'homme parle avant. L'homme ne peut pas créer d'impression s'il ne parle pas. Mais juste par le langage, tu crées des impressions. Tout de suite, tu peux être repéré. En tout cas, il y a des classes, des sociétés, là, si tu parles un tel langage, tout de suite, tu sais. C'est ça. Les gens, ils savent exactement quel milieu. Exactement. Sans que le droit d'impression. OK, mais quelqu'un qui a l'air noble, mais qui ne parle pas, va avoir quand même l'air. Il va avoir l'air pareil. S'il roule sa œuvre, il n'est pas là, à ce moment-là, il va tomber. Ils disent, tu parles ce que tu es. Si t'es pleinement, tu vas le prendre. Tu vas le sentir. On reconnaît l'âge. Celui qui est mieux, il a fait son propre temps. Il va impressionner par sa personnalité. C'est ça. Les gens sont conscients, là. La présence enceinte, c'est ce qu'on parle. Regarde, d'accord, on dit que lui, il y a une certaine présence enceinte, c'est ça. Il traîne ça avec lui. Pourquoi est-ce que les acteurs, souvent, ils veulent changer comme Sean Connery qui est sorti James Bond pour faire d'autres sortes de théâtre. Ouais, parce que les gens les identifient à Québec. Parce qu'il y a du monde bien drôle dans le monde. Il y a des gens, si t'es toujours character cast, comme ils disent, là. Puis t'as tendance, oui, dans des films à battre ta femme, il y a des gens, tu dis ça, des fois, ils s'identifient avec eux. Tu vas aller au bon restaurant, tu te dis, tu vois un tasse de café, puis une bonne femme va te lever, ça a un coup de balade. Parce qu'elle pense que réellement, tu vois ta femme. Ils sont pas capables de dire ceci. C'est bien fort, avoir l'impression. D'ailleurs, regarde tout dans la vie. Regarde ici dans la maison. La loi d'impression dans la maison ici est tellement développée que c'est une belle maison. C'est la loi d'impression. Moi, j'ai regardé, parce que je suis bien comme il veut, j'ai regardé, j'étais allé là, j'étais là, il critique au bout, puis je regarde, ouais, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis moi, on dit tout marche. Parce que la loi d'impression est absolument relative. Ici, dans la maison, tout marche, tout clique. Fait qu'on dit, c'est une belle maison. C'est une loi d'impression. Lui, il est content. Il est content, ça lui fait plaisir de recevoir les gens dans sa maison. Pourquoi? Parce que c'est une belle maison. Ça va loin? C'est le plaisir de l'intelligence. Il manque d'intelligence dans la vibration. Il y a trop d'astralité, il y a trop d'émotion. D'en entendre plus par rapport à la loi d'impression, justement, par rapport on est psychotique. Schizophrène psychotique par rapport au neurotique, lui, dans la loi d'impression, ce qui se passe là-dedans. Ils sont tous les deux coupables. Ils sont tous les deux incapables de s'ajuster à la loi d'impression. Ils sont tous les deux incapables de vivre intelligemment de leur personnalité. Puis quand tu n'es pas capable de vivre intelligemment de ta personnalité, tu ne comprends pas. Puis si tu ne comprends pas, tu n'es pas capable de t'ajuster aux impressions astrales puis aux impressions mentales, puis tu les mélanges les unes avec les autres. À ce moment-là, il y a un mur qui se construit entre les deux, puis éventuellement, il y a une séparation, ce qui est le cas du schizoïde. Oui. Dans le cas du névrotique, ben, le mur n'est pas aussi vaste. Mais c'est la même chose. Le névrotique peut devenir schizoïde. Ça va plus loin. Puis ça y prend quoi? Quoi? Après ça, pour décraquer. Quand tu es rendu schizoïde? Oui. Ça prend un bon psychiatre? Ben, ça. Ça prend un bon psychiatre? Il y en a. C'est rare, c'est difficile à déschizophréner quelqu'un qui est schizophrénique. Ou peut-être de l'intelligence, parce que tu peux toujours rétablir l'équilibre d'un esprit. Seulement, ces gens-là sont rendus tellement au bout de leur évolution que ça prend bien du temps. Moi, j'ai rencontré un gars chez Ben, un soir, il était assis, puis il parlait à sa catin. Là, c'est parce que je voulais parler avec sa catin. J'ai dit, comment ça va être la catin? Il disait, bien. Il dit, comment ça s'appelle? Il m'a donné son nom. On a parlé de sa catin. Mais je n'étais pas pour commencer à guérir, là. Là. Il a dit, je passe bien des heures, là. Mais ça se guérit, là, demain. Mais il faut que tu connaisses les lois de l'esprit, il faut que tu connaisses les lois de sa catin. Il faut que tu connaisses sa catin, il faut que tu connaisses la psychologie de sa catin. Il faut que tu saches pourquoi est-ce qu'il aime tant sa catin. Il faut que tu connaisses l'homme parfaitement. Là, tu défiles, tu déroules, tu déroules, puis tu l'amènes éventuellement à sortir de son continent. Mais ça, c'est la conscience, c'est ça, l'intelligence. Oui, Avec la tête, la conscience. Ça, quelqu'un qui est inconscient de la loi d'impression, a l'impression de la subir et non pas de la créer. C'est ce qui arrive. Exemple, comme toi, ton père a dit. C'est-à-dire que le gars qui c'était inconscient, tu aurais dit, oh, ben, je m'en vais au rythme. Bon, donc, ça m'impressionne. Donc, j'apporte ça par la suite. Tandis que comme tes conseils, tu te dis, bon, c'est